Fadjet. 30 ans, 30 heures de direct. Et 30 heures de direct pour 30 années de Fadjet. Fadjet fête ses 30 ans. Et vous le savez, à chaque heure, son année. On vient de passer l'année 2000 à l'instant avec l'équipe d'Europe & Roll. Et nous allons démarrer dans quelques instants l'année 2001 avec Gauthier et Party Time. Vous allez pouvoir bien vous bouger sur Fadjet cette nuit de 1h jusqu'à 5h du matin. En attendant, puisqu'on est dans l'année 2001, je vous propose là, maintenant, tout de suite, de découvrir quel était le morceau. Le morceau culte de l'année 2001, c'était Kylie Minogue avec Can't Get You Out of My Heart. Voilà, je l'ai prononcé, c'est plutôt pas mal à 1h du matin. Les amis, vous êtes sur Fadjet, j'espère que tout va bien chez vous. Nous, en tout cas, on est très heureux de vous accompagner. Il y a toujours du ciel bleu, fréquence vacances 94.2. Il y a toujours du soleil en FM, branché sur Fadjet. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Kylie Minogue était le tube de l'année 2001 et en 2001, notre directeur d'antenne s'appelait Bernard Albert. Je vous propose d'entendre tout de suite l'interview de Bernard Albert, donc directeur d'antenne sur Fadjet. Bonjour Bernard, Bernard Albert pour les intimes. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton rôle à Fadjet et comment tu es arrivé ici ? Marie-Claude m'avait demandé de venir au conseil d'administration. Et on était dans la petite baraque à côté de l'église. Hein. Ah, au 49, c'est ça ? Voilà. Ça devait être en 95. Mais alors, avant d'être au conseil d'administration, est-ce que tu touchais déjà les micros ? Est-ce que tu poussais les... Ici, à Fadjet, non. Non. Mais chez moi, oui. Alors, comment ça se fait que tu n'as pas commencé par le faire à Fadjet avant de le faire chez toi ? Parce que ma radio existe depuis 1969. Ah ouais. Elle a 45 ans, la mienne. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, Fadjet, c'est quoi ? C'est des gens passionnés. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler après le départ de Ghislain, qui a été mon prédécesseur. J'ai pris un virage complet dans ma vie professionnelle, puisque j'étais représentant. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon épouse. Mmh. Elle a appelé Marie-Claude, elle a dit « Marie-Claude, j'ai trouvé, j'ai quelqu'un pour vous ». Et Marie, « Mais oui, mais on n'y pensait pas, mais bien sûr ». Je me suis présenté, voilà. Et ce rôle, c'était quoi, très concrètement, alors ? Responsable d'antenne. Donc décider, des programmes, décider de la musique, des programmes. Oui, mais j'ai essayé, comme je le faisais ailleurs, de faire partager et de faire un travail d'équipe. Il y avait besoin de les valoriser. D'accord. Et ils font un boulot exceptionnel. Mais c'est vrai, c'est sans vouloir passer de la pommade. Pour moi, Fadjet, c'est la radio. D'accord. Avant d'être moi, l'accueil ou le dialogue comme ça. Moi, je suis à l'étage radio. Mm-hmm. J'ai toujours été à l'étage radio. Il y a toujours eu dans cette maison une différence entre le premier et le deuxième. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Fadjet, rez-de-chaussée, c'est la partie où on accueille les gens, où c'est convivial, il y a la cuisine. Second étage, c'est plutôt les bureaux, là où on décide des projets où on peut valoriser le dialogue et l'accueil. Et puis, effectivement, le dernier étage, c'est la radio, c'est l'outil, le système, les micros. Et... Avec Marie-Claude, je gérais la radio de A à Z. À l'époque, Ghislain achetait les disques. Et je lui dis, c'est complètement ridicule d'aller payer pour après payer à la SACEM des droits d'auteur. Donc on paye deux fois finalement. Alors j'ai pris contact en tant qu'ancien commercial avec toutes les boîtes de disques. Et enfin, on nous envoyait les disques. Alors si jamais Fadjet c'était un mot, ce serait le mot radio, c'est ça ? Si j'ai bien compris ? Pour moi, radio, oui. D'accord. Radio, passion. Cette passion de la radio, elle est vraiment très présente chez toi. Tu l'as dit, tu fais vivre ton petit studio radio chez toi. Tu sais, j'ai commencé à faire de la radio vraiment quand je devais avoir 8, 10 ans. Ah oui, quand même. Hein, ça fait 51 ans. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Voilà, absolument. C'est ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est une passion. Et j'ai toujours eu comme modèle une station de radio. Pour moi, c'est un rêve. J'ai la chance d'avoir un oncle et une tante qui habitent Paris. Et chaque fois qu'il y avait les petites vacances, les vacances scolaires, j'allais à Paris et j'allais rue François 1er pour assister aux émissions en public. Merci beaucoup. On recommencera. Quand tu veux. Avec oui, mais tu peux sur d'autres micros. On verra bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Bernard. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Fadjet. 30 ans. 30 heures de direct. Et nous sommes toujours dans l'année 2001 et dans quelques instants pour fêter cette année 2001, vous allez retrouver Gauthier et Party Time. On va partir en musique juste avant. Je vous propose un petit comeback, revenir dans les années 2000 avec Destination Série. Vous allez découvrir dans quelques instants ce qu'est Destination Série. Toujours une émission à l'antenne sur Fadjet. 1h09 du matin, on est très heureux d'être avec vous. Nouvelle saison inédite de Destination Série. Vous allez enfin nous dire ce que vous savez. Que c'est samedi et qu'on est tous ici un jour de congé parce que nous adorons notre job. Et vous aviez prévu de nous le dire à quel moment ? Entre 10h et 11h. Avec toujours plus de suspense. Benoît, c'est la fille de la grenouille. Je le savais. Une pincée d'action. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et beaucoup d'amour. Êtes-vous dingue ? Broutons-nous l'orifice principal du visage. Vous transférez ça au NTAC et je veux une vision satellitaire. Jack, toujours sur la brèche ? Faut bien, Lorenzo. Alors, les premiers indices ? La victime est connue de nos services, tout comme les suspects. Les suspects ? On n'a pas un problème avec la bande-son ? Les suspects sont au moins 7, comme les 7 mystérieuses cités d'or. Là, je vois pas le rapport, enfin, passons. D'après les premiers relevés d'empreintes, plusieurs responsables de la programmation ont choisi cette case horaire suicidaire. La victime a laissé un mot avant de chuter du haut de son 20h50. On avait quoi en face ? Un crossover entre Joséphine Ange Gardien et The Mentalist. N'importe quoi, et pourquoi pas un crossover entre Camping Paradis et 24h Chrono ? Mais c'est peut-être une idée à creuser. Vous pouvez me donner, Jack, les premiers éléments ? La victime est une certaine mademoiselle Thon, prénommée Feuille, je crois. Ça caille ici. Quelqu'un pourrait couper la musique de fond ? Merci. La victime porte les traces de coups mortels d'un tueur en série connu de nos services. Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Eh si, désolé, commandant Lorenzo, c'est signé. Je savais bien qu'on reparlerait de ce type qu'on surnomme Tempola. Amour, gloire et beauté. Les feux de l'amour. Les mystères de l'amour. Santa Barbara. Tu me rassures là, Laurent, il y aura d'autres séries. Oui, oui, plus belle la vie. C'est bon pour l'audimat. Sans deck. La passion des séries s'écrit en 17 lettres. Destination série. Le samedi sur Fadjet dès 10h, piloté par Laurent et Benoît. Bon, on va se calmer, hein. Destination série, c'est sur Fadjet, mais aussi sur le net. Destinationserie.org, Fadjet.net. C'est sûr. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. DJ Guevara. DJ Guevara. With hundreds of thousands of networks around the globe. Upon millions of computers and mobile devices bundled to a global network. Communication. Transmission. Reception. Messages. And music. Salut à tous, on est sur Fadjet pour les 30 ans de la radio. Et là, on est toute l'équipe de DJ dans les studios. Donc moi, c'est DJ Guevara qui mixe jusque 2h du matin. À 2h du matin, je passe le relais à Mickaël qui est là. Bonjour à tous. Ça va bien, Mickaël ? Oui, super. Après lui, Davy qui est là, reçoit un invité. Tout à fait, DJ Divine. Bonsoir à tous. Voilà, il est là. Voilà, toute l'équipe au complet. On est là jusque 5h du matin sur Fadjet. Bonne écoute à tous. We'll be right back.

I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Turn up. I'm in love with the coco. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money. Che Guevara au platine. We'll be right back. Guevara mix dans Party Time sur Fadjet. Guevara au platine. DJ Guevara au platine.

drop it like that. What? Sooner, if the heavens ever did speak, she's the last. glass through mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. Hey, hey, hey. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will.